sur son cheval de bois, lui parlant en latin. Henri parcourt la plaine, une lance à la main, galope dans les prés, emprunte les collines, se servant de son bois pour piquer l'invisible. À la recherche de ses frères, pourtant sur cette terre les a mûris, leur a donné la lumière. Où sont-ils partis? Pourquoi tout ce gâchis? Tout se bouscule et se brise dans la tête Henri. Ces vents hurlant si fort sur cette terre-là ne porteront que des chimères. Ces vents qui saigneront les yeux des enfants ne sèmeront que la colère. Devant ces maisons vides, cette tristesse, ce silence, piquant, piquant le vent, hurlant cette impuissance, son étalant de bois, dans un cri de douleur, où sont passés les enfants, leur rire, leur chant, leurs pleurs. Ces vents hurlant si fort sur cette terre-là ne porteront que des chimères. Ces vents qui saigneront les yeux des enfants ne sèmeront que la colère. Vidés de leurs couleurs, les yeux rivés vers le ciel où tourbillonnent les artifices qui claquent dans sa tête, Henri sur une colline, assis seul dans un grand champ, murmure en cueillant des fleurs, chanson pour son étalon.